sachant que nous ne pouvons rien y faire, que nous ne pouvons rien changer. J'aurais pourtant voulu te dire combien je t'ai aimé. Je n'ai plus que toi, je n'aimais que toi. Je n'aimais plus que toi, je n'aimais que toi. Plus que toi.